Bonjour à toutes, bonjour à tous, Serge, heureux de vous accueillir sur Coup de cœur. Bien sûr, une heure de musique, comme chaque jeudi, mais c'est le premier jeudi du mois et c'est le moment de découvrir notre hit parade des coups de cœur, c'est-à-dire les titres, les nouveautés qui ont retenu notre attention et pour lesquelles nous avons eu un coup de cœur, histoire d'un côté un petit peu de musique actuelle, française pour la plupart bien sûr, dans l'esprit de nos coups de cœur de chaque jeudi. Alors aujourd'hui, comme ce sera le cas tous les premiers jeudis du mois donc, un classement de 15 titres. 15 titres, c'est pas énorme, donc il y a beaucoup de changements d'un mois à l'autre. Vous allez vous en apercevoir par rapport au classement du mois d'octobre. La 15e place notamment, on commence tout de suite. La 15e place, c'est un titre un petit peu atypique. Alors, l'histoire est la suivante. Le 23 avril dernier, c'est la première fois que Mireille Mathieu retournait en studio depuis le confinement. Elle découvrait aussi un nouveau studio à la Buissonne pour poser sa voix. Arnaud, quant à lui, avait déjà enregistré sa partie vocale. Il pleuvait le jour de l'enregistrement et quand le rouge micro s'est éteint, quelqu'un a enfin annoncé à Mireille Mathieu qu'Arnaud venait de mourir emporté par le cancer à 72 ans. Alors, qui est Arnaud ? C'est le nom de scène d'Arnaud Ingens, parfois aussi surnommé Arnaud Jens, qui est chanteur et acteur belge, né en 49 à Ostende et justement décédé en avril 2022 à Bruxelles. Il était trilingue, il a d'abord surtout chanté en anglais avant de privilégier le français et parfois le flamand. Donc c'est un duo de la Paloma à Dieu, une version complètement revisitée, c'est une nouveauté, je vous propose de l'écouter en 15e place. Le soir, nous chantait quand j'étais enfant. Le soir, blanc. Un jour, le bateau s'en va, toi fais l'océan. Et seul, le cœur plein d'amour, une fille attend. Le marin vient, n'oublie pas, je t'aime. L'hiver et le printemps, elle attend quand même. Elle voit un oiseau blanc se poser près d'elle, qui porte quelques mots au creux de son aile. La Paloma, adieu. La Paloma, adieu. Adieu, c'est toi que j'aime. Hit Parade numéro 15. C'était un vrai plaisir de retrouver Mireille Mathieu, qu'on n'entend pas beaucoup sur les ondes actuellement. C'est quand même une nouveauté, donc la Paloma à Dieu, complètement revisitée. En 14e position, je vais vous parler de Candice Paris, chanteuse, comédienne française, ayant des influences musicales dans le jazz, la pop, la musique country et le folk. Elle s'illustre principalement dans les comédies musicales. Et le 14 juillet dernier, elle interprète notamment lors du défilé de la fête nationale, la Marseillaise, ainsi qu'une chanson intitulée « France ». Chanson que je tiens à vous faire découvrir, si vous ne l'avez pas écoutée à ce moment-là. Elle occupe la 14e place de notre classement, Candice Paris. Hit parade numéro 14. France, tes victoires flottent toujours plus haut. France, ton histoire et ton nom claquent comme un drapeau. C'est la flamme du soldat qui ravive la foi. Ta patrie est partout là où rayonne la France. Ton flambeau se brandit par fierté. France, c'est Hugo et De Gaulle sur les Champs-Élysées. C'est le sang du sillon qui redore ton blason. Si l'être qui scintille sur tout l'horizon. France, c'est le F révolté de la fraternité. C'est le R espérance de toutes les résistances. C'est le A constellé des plus fortes amitiés. C'est le N. Jusqu'à périr dans le feu, dans les flammes, elle défend notre dame et se donne et se bat pour les peuples en souffrance. Tes médailles n'ont jamais de revers. France, ta bataille, c'est le sacrifice tout solidaire. Se servir en écho les étoiles d'un maillot et gagner quand le jour d'y croire est arrivé. France, c'est le F révolté de la fraternité. C'est le R espérance de toutes les résistances. C'est le A constellé des plus fortes amitiés. C'est le N infini d'une nation unie. C'est le C qui présage de la force du courage. C'est le E engagé de notre égalité. Pour des siècles de légendes, trois couleurs en France. Par le bleu, par le blanc, par le rouge, nos esprits. Vous écoutez Coup de cœur sur Fadjet. Coup de cœur. Allez, on continue à remonter ce classement. En 13e position, c'est Shaim. Elle était classée 7e, elle perd 5 places cette semaine. Elle danse encore, on va l'écouter tout de suite. Et en 12e position, c'est Yannick Noah. Alors Yannick Noah, installé depuis plus d'un an au Cameroun, où il est désormais chef de village, il a dévoilé un nouveau single, Back to Africa, un retour aux sources, qui est le fil rouge de son dernier album paru, qui s'appelle La Marflée. Un disque aux influences résolument africaines, inspiré par un tournant dans la vie du chanteur. Ce retour en Afrique marque une quête de sens pour l'ancien champion de tennis qui ajoute une nouvelle corde à sa raquette, si on peut dire, celle de la transmission de ses racines. Donc je vous rappelle, classement numéro 13, Shaim, elle danse encore. Et numéro 12, la nouveauté de Yannick Noah, Back to Africa. cœur. Coup de cœur. On ne les partage qu'avec vous sur Fadjet. Coup de cœur. J'ai parcouru tant de choses, de fils sans lendemain, de pays tristes à pleurer, explorer tant de fausses pistes, de provinces conformistes, de continents prêts à porter, et tout ce temps passé à te rechercher sur les terres reculées du monde entier. Dans ces villes de mystère, foguées sur des mers pas très claires, je t'ai cherché même au-delà de mon futur, de mes pas. Ce que je cherchais, je ne le savais pas. Combien de temps perdu, de fuites éperdues pour arriver là, en bas de ma rue. On remonte tranquillement vers les premières places de ce classement des coups de cœur. Alors la 11e place, elle est prise directement par Patrick Bruel. Avec Encore une fois, il livre une chanson réconfortante, empreinte d'espoir et d'optimisme. Un espoir qui est même une conviction pour lui, celle que le sentiment amoureux et le bonheur peuvent être ravivés encore et toujours, peu importe le passé ou l'expérience de chacun. Encore une fois, c'est le premier extrait du nouvel album de Patrick Bruel qui sortira tout bientôt, le 18 novembre prochain. Alors maintenant, la 10e place, c'est Clara Luciani, Amour toujours. Elle perd 6 places, elle était déjà présente dans notre classement. Qui sont les 3 premiers? Il faut attendre encore un petit peu pour le savoir. Lorsque l'amour est tombé par terre, on croit mourir mais on survit. Dis-toi que tu vas faire une affaire, vu que mon cœur a déjà servi. Si tu savais, je suis moins naïf qu'hier, et pourtant je t'aime aujourd'hui. Comme si t'étais la première, c'est beau, c'est con, ouais, c'est la vie. Encore une fois, encore plus fort. On se dit plus jamais, mais on peut aimer, aimer encore une fois. Encore plus fort, c'est plus fort que toi et moi. C'est maintenant et c'est là. Encore une fois, encore plus fort. Marqué par nos histoires anciennes, on prend celle-ci comme un cadeau. Dehors on sait qu'on n'est plus les mêmes, dedans on reste des ados. Il Il fait si beau le long de la Seine. Des couples poussent des landaus. Rien ne presse, je caresse ton dos. On verra bien où le vent nous mène. Encore une fois, encore plus fort. On se dit plus jamais, mais on peut aimer, aimer encore une fois. Encore plus fort, c'est plus fort que toi et moi. C'est maintenant et c'est là. Encore une fois, encore plus fort. On se dit plus jamais, mais on peut aimer, aimer encore une fois. Encore plus fort, c'est plus fort que toi et moi. C'est maintenant et c'est là. Encore une fois. Fadjet. Coup de cœur. À Nancy sur 94.2. Je vous rappelle que ce classement n'est pas établi d'après les ventes de disques, n'est pas établi d'après les votes du public. C'est tout simplement nos coups de cœur que l'on a classés par affinité, par petite palpitation particulière pour réaliser ce classement de 15 titres. Alors, on va parler des 9e et 8e places. À la 9e place, c'est Calogero, c'était mieux après. Et à la huitième place, on va retrouver Sylvain Reig. Il était en tête la semaine dernière avec Tourne Tourne, il a perdu cette place, donc il se retrouve numéro 8. Calogero, lui, en 9e position, replonge dans ses souvenirs d'enfance, un clin d'œil à la fameuse expression « c'était mieux avant », on l'a tous dit. Le clip, pour info, a été réalisé par le célèbre photographe Marcel Atman. Numéro 9, donc Calogero. Finalement, une fois qu'on l'a fait, on s'est aperçu qu'en effet, c'était mieux après. Combien d'amour raté par heure, combien d'instants loupés par peur, parce qu'on ne se sent jamais prêt à tout remettre au lendemain. Les mots, les courriers ou les trains, on devient nos propres barrières. À force de trop hésiter, à force de tout éviter, l'occasion va passer, on s'empêche d'avancer. Finalement, une fois qu'on l'a fait, on s'est aperçu qu'en effet, c'était mieux après. La peur est une sale habitude qui fait du pire une certitude. De tous nos projets, des regrets. Le doute est une contrefaçon qui déguise les possibles en non, et tous les plus tard en jamais. À force de trop hésiter, à force de tout éviter, l'occasion va passer, la passion va casser. Et finalement tu t'es lancé, sous la vie tu l'as embrassé, et c'était mieux avant. Demain est un joli pays, à chaque minute tu le franchis, et chaque seconde est une frontière. La nostalgie est une manie qui fait d'hier un aujourd'hui. Elle met ta vie en marche arrière, et on se noie dans des verres d'eau, à trop tourner autour du pot. Aperçu qu'en effet, c'était mieux après. Zéro pub, c'est aussi ça, Fadjet. Tu Je sais pas ce que j'ai, c'est pas marrant. J'suis pas vraiment dans mon assiette. J'crois bien que la vie m'a fait marron. J'ai essayé d'être comme eux. J'ai pas trop le goût pour faire la fête. J'me dis que demain tout ira mieux. On a grandi, on a compris. On s'est fait seul, on a appris à faire la part des choses, ma gueule. Si tu l'aimes pas, papa, tant pis. On a grandi, on a compris. On s'est fait seul, on a appris. Moi je préfère éteindre le feu que de souffler sur les braises et faire un incendie. Un pas en avant, deux pas en arrière. Tourne, tourne, tourne, vive mon instant pour moi sans faire. Un pas en avant, deux pas en arrière. Tourne, tourne, tourne, autant rire, autant le faire. Les bien pensants qui ne pensent que je ne fais que du boucan me prennent pour un simple ménestrel. Ils ont l'argent mais moi j'ai le temps. Je les regarde, je les vois courir. Mon diabolo sirotant. Je me dis que je devrais en faire autant. Mais pour être heureux, j'ai d'autres plans. Je ne veux pas être enfermé dans une caisse ou une boîte. De toute façon, tout le monde s'en fout. Si je me vautre ou si je me boite. Laisse-moi trinquer qu'à la tienne. À l'amour qu'à cela ne tienne. On a des cœurs qui résonnent. J'écris cette chanson pour qu'ils s'en souviennent. On a grandi, on a compris. On s'est fait seul, on a appris. Faire la part des choses, ma gueule. Si tu n'aimes pas, papa, tant pis. On a grandi, on a compris. On s'est fait seul, on a appris. Moi, je préfère éteindre le feu que de souffler sur les braises et faire un incendie. Un pas en avant, yeah. J'aurais pu faire différemment. Mais moi je préfère rester dans mon coin. Pendant qu'ils s'énervent et en font tout un foin. Tu sais j'en ai vu se noyer, oui. Dans des flaques ou même des verres d'eau. Je ne me laisserai pas broyer, moi. L'amour j'en ferai une overdose. Un pas en avant et deux pas en arrière. Tourne, tourne, tourne, vivons l'instant. Pourquoi s'en faire. Un pas en avant. Si vous n'avez pas vu le clip de Sylvain Aregg, regardez-le, il vous donne la pêche. C'est plein d'optimisme et c'est super à voir. Alors la septième place, elle est occupée par un duo qui était second la semaine, le mois dernier, Icar et Zaz, les animaux fragiles, qu'on va écouter juste après. Quant au sixième, c'est une entrée. Il s'appelle Sam, originaire de Lille, dans bien sûr le nord de la France. Il ne fait pas partie de ces chanteurs qui ont su très tôt dans leur vie qu'ils voulaient devenir artistes. Titulaire de son diplôme de chirurgien-dentiste, Sam débute sa vie professionnelle avec la mission de venir en aide aux personnes rencontrant des problèmes dentaires. Sans tout bouleverser, il tente petit à petit de se rapprocher de son rêve, inspiré par des artistes comme Brassens et Brel. Sam se positionne comme un amoureux de la chanson française. Le titre de sa chanson, Comme si, comme ça, on l'écoute juste après Icar si et Zaz. Je suis pas malheureux, sentimental, on peut le dire. Un peu de buée dans les yeux, à chacun de mes sourires. Et si cette vie n'était qu'un jeu, et si on se moquait de nous, pourquoi les gens sont si sérieux? Si Dieu existe, elle s'en fout. Toi et moi, des animaux fragiles. Cette planète n'est qu'une île, elle m'a perdu dans les étoiles. Mais on s'imagine une vie facile, et puis qu'on vivra vieux. Regarde le soleil brille, on est tranquille, ma main dans tes cheveux. Entre le rire et la tristesse, cette vie nous aura à l'usure. profiter de sa jeunesse sans jamais détruire son futur. On me dit de bien me tenir, que c'est une question d'équilibre. Pourquoi j'ai pas le souvenir un jour d'avoir été libre? Toi et moi, des animaux fragiles, et cette planète n'est qu'une île, elle-même perdue dans les étoiles. Mais on s'imagine une vie facile, et puis qu'on vit à vieux. Regarde le soleil brille. Tranquille, ma main dans tes cheveux. La nuit tout seul, je me balade. Mais je ne veux pas t'abandonner. Sache que si moi je suis malade, ce n'est que de t'aimer. Toi et moi, des animaux fragiles, et cette planète n'est qu'une. Elle-même perdue dans les étoiles. Toi et moi, des animaux fragiles, et cette planète n'est qu'une île. Elle-même perdue dans les étoiles. Mais on s'imagine une vie facile, et puis qu'on vivra vieux. Regarde le soleil brille, on est tranquille, ma main dans tes cheveux. Il parle, ma numéro main 7. Dans tes cheveux. Fadjet, à Nancy, sur 94.2. C'est plus qu'une radio. C'est plus qu'une radio. Je suis un homme et j'ai compris. Je suis fort et j'ai le gabarit. J'essaie d'être un bon fils et un bon père. Tout ce qu'on attend de moi, mais parfois je m'y perds. J'ai tout fait comme maman m'a dit. J'ai un taf de gosse et un mari. J'avance du cours, je ne m'arrête pas. Je suis peut-être heureuse, peut-être pas. Ma vie, je l'aime comme si, comme ça, même si ça ne se voit pas. Comme si, comme ça, j'ai des problèmes, des hauts et des bas. Même si ça ne se voit pas, je vais comme si, comme ça. Devenir grand, vieux, on trouve qu'on manque de temps. On imagine le bonheur loin d'ici, pourtant il dort juste à côté de notre lit. On a des rêves qui tirent la gueule, qu'on oublie avalé sur le fauteuil. Ils observent la somme de tout ce qu'on n'ose pas. Ils se disent qu'il est beau le résultat. Ma vie, je l'aime comme si, comme ça, même si ça ne se voit pas. Comme si, comme ça, j'ai des problèmes, des hauts et des bas. Même si ça ne se voit pas, je vais comme si, comme ça, comme si, comme ça. Numéro 6. Comme ça, ah. Comme ça, comme si, comme ça, ah. Comme ça, ma vie, je l'aime comme si, comme ça. We'll be right back. Des nouveautés comme s'il en pleuvait chaque premier jeudi du mois dans Coup de cœur, puisque c'est notre classement de nos coups de cœur préférés du moment. À la cinquième place, Jennifer est de retour. L'artiste qui va fêter dans quelques mois le 20e anniversaire de sa victoire à la Starac avait envie de quelque chose avec une âme un peu plus ancienne, un côté vintage qui rappelle les années 60 et 70. Elle a donc sorti le 9e album de sa carrière le 4 novembre et l'opus s'appelle simplement Numéro 9 et compte 18 titres. Donc Jennifer, sauf qui peut, numéro 5, numéro 4, Parole et Parole, ça vous parle. C'est une chanson interprétée par Dalida et Alain Delon. Elle est sortie le 17 janvier 73 en tant que premier extrait de son album Julien. Les paroles décrivent la conversation d'un homme offrant à une femme des caramels, des bonbons et des chocolats, suivi d'une pluie de compliments. À ce qu'elle dit, il ne signifie rien pour elle, car ce ne sont que des paroles, des mots vides. La chanson a connu un grand succès en France et à l'international, notamment au Japon, au Mexique, devenant l'une des chansons françaises les plus reconnaissables de tous les temps. Cette nouvelle version, elle est interprétée avec Doumea. Donc je vous rappelle, Jennifer, sauf qui aime, son album sort le 4 novembre. Le 4 novembre, c'est demain. À aujourd'hui, tous les hits que vous aimez. Thank you. je te jure. Allez, c'est l'heure du récapitulatif avant de vous révéler les trois premiers de ce classement. 15e position, c'est Mireille Mathieu et Arnaud, La Paloma revisitée. Oh Dieu, c'est toi que j'aime. En 14e position, Candice Paris, France. France, tes victoires flottent toujours plus haut. Ton histoire et ton nom claquent comme un drapeau. C'est la en 13e position, elle perd 5 places et Chaim, elle danse encore. On retrouve Yannick Noah en 12e position, Back to Africa. C'est Patrick Bruel qui occupe la 11e place encore une fois, encore une son fois, nouveau single. Encore plus fort, on se dit plus jamais, mais on peut aimer, aimer encore une fois. Elle perd 6 places, elle se retrouve numéro 10, Clara Luciani, Amour du jour. Neuvième, Calogero, c'était mieux après. Finalement, tu t'es lancé, sous la pluie, tu l'as embrassé, et c'était mieux après. Il est huitième ce mois-ci, il était premier le mois dernier, Sylvain Nareg, Tourne, tourne. En 7ème position, ils ont perdu 5 places. Icar et Zaz, les animaux fragiles. Des animaux fragiles. Et cette planète n'est qu'une île. Elle-même perdue dans les étoiles. Le 6ème, c'est Sam. Ouais, comme si, comme ça. Comme si, comme ça. Même si ça ne se voit pas. Comme si, comme ça. J'ai des problèmes. Elle entre en 5ème position, Jennifer, sauf qui peut, sauf qui aime, pardon. C'est toujours moi, c'est toujours l'autre. Alors à qui la faute toujours moi qui dit que c'est toujours toi, mais pourvu qu'un jour, nos dilemmes se comprennent et sauf qui. En 4ème position, une version complètement revisitée de Dalida, Alain Delon avec Douméa, Parole et Parole. Je te jure. Alors maintenant, le tiercé de tête, c'est super important. C'est vraiment ce qu'on a privilégié dans notre programmation. Le nouvel album Chronique d'un Cupidon, par exemple, de Slimane, il est actuellement dans les bacs et à l'intérieur de jolies surprises, notamment comme Les Amants de la Colline, un duo avec Lazara. Ces deux-là, on peut dire qu'ils ont des voix hors du commun. La voix de Lazara s'accorde à merveille avec celle de Slimane et vice-versa, Les Amants de la Colline numéro 3. C'est pas l'heure et qui frappe à ta porte. J'ai pas peur que les anges te protègent. Pourquoi faire? T'étais pas si mauvaise. Laisse-toi faire. Moi j'inspire, toi t'expires. Et puis tout part en fumée. Tu m'inspires, je désire. Mais y'a plus rien à fumer. Tu t'étires, je t'aspire. Et puis faut recommencer. Moi j'inspire, toi t'expires. Les amants de la colline montent et s'en redescendent. Reste petite copine fumée jusqu'à la cent. Les amants de la colline perchés sur une étoile. Les amoureux du spleen continuent même dans ma main. Je te tiens, tu me tiens. Continue. Et je vais. Mais y'a plus rien à fumer. Tu t'étires, je t'aspire. Et puis faut recommencer. Moi j'inspire, toi t'expires. Les amants de la colline montent et s'en redescendent. Reste petite copine fumée jusqu'à la cent. Les amants de la colline perchés sur une étoile. Les amoureux du spleen continuent. Alors on arrive à la seconde place. La seconde place, elle est occupée par celle qui fait pas beaucoup de pubs, qui se suffit avec son propre talent, c'est Mylène Farmer. Elle s'est faite assez discrète depuis 2018 et l'apparition de Désobéissance, son dernier album, le 11e du nom. Célébrant son grand retour le jour de ses 61 ans, la chanteuse a dévoilé le 12 septembre dernier son nouveau single « À tout jamais ». Je vous rappelle qu'elle sera en concert les 30 juin et 1er juillet 2023 au Stade de France à Paris. Je vous propose de l'écouter, elle est directement numéro 2, Mylène Farmer. Fuck. Hit Parade numéro 2. Maintenant, la première place. Eh bien, la première place, je vous l'avais sous-entendu la semaine dernière dans notre émission spéciale Ringo. Elle est occupée par celle qui fête ses 60 ans de carrière. Elle sera à la salle Playel les 11 et 12 novembre prochains, dans quelques jours. C'est bien sûr Sheila, un titre qui nous a vraiment beaucoup plu, beaucoup, beaucoup plu. Vous pouvez danser dessus. Ça s'appelle Samedi soir. C'est une version revisitée d'une chanson qui a un peu plus de 40 ans de son propre répertoire. Sheila numéro 1 de notre classement. Parade numéro 1. Et bien voilà, ce classement, ce deuxième classement des coups de cœur préférés est terminé. Le prochain, ce sera déjà au mois de décembre, rendez-vous compte. J'espère que cette sélection vous a plu, que vous avez bien profité de ces nouveautés, parce que nos coups de cœur, dans les coups de cœur traditionnels, on écoute bien souvent des chansons un peu plus anciennes. C'est l'occasion chaque mois de vous présenter ce qu'on aime dans la période actuelle. Allez, je vous souhaite une excellente semaine. On se retrouve la semaine prochaine à 17h le jeudi pour de nouvelles aventures sur Fadjet. Portez-vous bien, salut.